Ils sont là tout autour de nous. On les devine parfois. Ils nous attaquent, on les chasse, on les mange, ils nous dévorent. On les voit peu, mais on les entend. Pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le lion des mers australien. Avec un nom comme ça, on imagine sans peine la bête. Avec sa crinière blonde, dense fourrure lâchée sur les épaules, cette grosse otarie en impose. Que ce soit par la taille, 1m50, son poids, 300 kg, mais pouvant aller chez les lions de mer de Stellaire jusqu'à 2m90 pour une tonne. Dans la famille des otaridés, le Neophoca cinerea, pour reprendre son nom latin, règne sans conteste. On trouve des lions de mer sur les côtes californiennes, dans les eaux néo-zélandaises et australiennes. C'est d'ailleurs de ce côté que nous nous rendons, direction l'île Kangourou, située au sud de l'Australie, véritable paradis animal, où l'on croise des kangourous bien sûr, mais aussi des koalas, des ornithorynques, des otaries à fourrure et notre lion des mers, espèce protégée car en diminution depuis des années. Les lions des mers vivent en colonies, on appelle ça des roqueries. Et même si les mâles n'ont pas de territoire délimité, ils vont, pendant la période de reproduction, avoir un petit harem de femelles qu'ils vont garder et défendre envers et contre tout. Au point de limiter les mouvements et les déplacements des femelles avant l'accouplement, le lion des mers mâle sait se montrer autoritaire même s'il reste bon enfant. En revanche, si un autre mâle entre dans cet espace, il aboie prêt au combat. Cris, coups de tête, morsures, le lion des mers ne se laissera pas décontenancer. Car on n'approche pas impunément de son harem. 18 mois après l'accouplement, la femelle donne naissance à un petit, dont elle s'occupera quasi à plein temps. Elle le garde avec elle, l'allait et en prend le plus grand soin. Mais comme chacun le sait, on ne peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut bien que la mère parte régulièrement en mer pour se nourrir. Le petit reste alors seul dans la colonie pendant 1 à 2 jours et il jeûne. Les premiers mois, tout bébé qu'il est, il se cache dans la végétation, les rochers, les buissons, en attendant le retour de sa mère. Ensuite, une fois devenu un peu plus grand et plus mobile, il reste avec d'autres congénères du même âge. La mère revenue, il tète le lait maternel pendant 2 à 3 jours, jusqu'à ce qu'elle reparte en mer, alternant de sorte période de jeûne et d'allaitement. Le sevrage démarra aux alentours de ses 18 mois. Mais comment font la mère et son petit pour systématiquement se retrouver dans une colonie où les individus sont nombreux, plutôt bruyants, où les petits peuvent se déplacer et où le retour de la mère n'est pas programmé à leur près? Tout simplement par la voix. L'un et l'autre s'appellent en poussant des cris. Chaque cri d'animal est unique. Et c'est pour cela que l'on peut parler de signature vocale. La mère est ainsi capable de distinguer la voix de son jeune, des cris des autres petits de la colonie, et cela quelques jours seulement après la mise bas, rendant ainsi les retrouvailles aussi sonores que joyeuses. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité d'Isabelle Charrier de l'Université Paris-Saclay et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Polleret.